jamais ce que j'ai pas fait. Enlève ta main, de l'épaule, rien à prouver, je reste calme. J'suis pas d'humeur à parler, je leur ferai l'amour aux femmes. Il a pas dit bonjour, il va se faire masser. Billet vert dans le cabas, j'ai ma Jessica Alba. J'ai laissé faire le time, j'passe l'hiver en taille. Et les fils de pute m'envient, j'suis encore en vie dans un VIP.